Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la deuxième fois qu'on lui parle cette semaine. Beaucoup de sujets, évidemment, la Série mondiale. Joe Girardi, c'était pas vraiment une surprise qui s'en va à Tampa, qui a été limogé par les Yankees. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Oui, ça va bien Bruno. Certains experts disent que le deuxième match était... de la Série mondiale, c'est pas vraiment le meilleur match de l'histoire de la Série mondiale. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben écoute, c'est peut-être pas le meilleur match de l'histoire de la Série mondiale, mais certainement de mon point de vue, de ce que j'ai vu depuis des années, je dirais un top 5, là, tu sais, vraiment un match où il y a eu beaucoup d'éléments à clé. En fait, à 3-1 pour les Dodgers, c'était vraiment une question d'erreur. Là. Justin Verlander a fait un très bon match, a eu deux ou trois mauvais lancers qui lui ont coûté ses trois points mérités dans le match. Mais à ce moment-là, avec Jensen, avec Brandon Morrow, il y a Maeda qui faisait le pont après Rich Hill. J'avais vraiment l'impression que l'histoire du premier match allait se répéter. Puis finalement, ben, les Astros sont revenus. Ensuite, ils ont pris les devants. Les Dodgers sont revenus. Les Astros sont revenus. Il y a eu beaucoup de points de marqués. Je te dirais, le match que ça m'a fait penser, c'est à la Série mondiale de 2012 ou de 2011, avec les, je pense que c'était 2011, les Rangers du Texas contre les Cards de Saint-Louis, le match numéro 6, où les Rangers étaient passés deux fois en 9e et en 10e manche à une prise de gagner la Série mondiale, et les Cards étaient revenus à chaque fois, et David Freeze avait frappé un circuit en fin de 12e pour forcer le 7e match. Peut-être que justement par la nature du fait que l'équipe allait être sur le bord d'être éliminée, puis le fait que finalement ils ont réussi à l'emporter, ce match-là reste quand même peut-être une petite coche en haut de ça. Mais ce qu'on a vu cette semaine, c'était vraiment un match là, pour les partisans souvent de sport en général qui écoutent la Série mondiale parce que c'est la finale, puis ils aiment ça suivre un peu les championnats. Ben, c'est des matchs comme ça qui peuvent créer des partisans de baseball parce que c'était un match qui était vraiment intéressant, vraiment divertissant, beaucoup de coups de circuit. Donc, il y en avait vraiment pour tous les coups. Ah ouais. Donc, ça va se poursuivre ce soir avec Yu Darvish au Monticule. Moi, je l'ai dit, ça va être une série longue. J'ai mis Dodgers en 7, puis ça, c'est pas surprenant que ça va être là, hein? Oui, ben en fait, on avait dit cette semaine, on a parlé avec Mark Griffin, tu avais parlé de Dodgers en 7. Moi puis Marc, on voyait Dodgers en 6, puis... Je change pas ma prédiction avec le résultat des deux premiers matchs, mais on savait que ça serait une série qui serait longue. J'étais vraiment surpris, par contre, honnêtement, de voir Jensen là, se faire un sabotage. J'avais vraiment l'impression que ça se pourrait... En tout cas, si jamais la série est remportée d'une façon ou d'une autre par les Astros de Houston, c'est certain que le circuit de Marwin Gonzalez en 9e manche va avoir été le point tournant. La série s'en va à Houston. Les Astros sont 6-0 depuis le début des séries à Houston. Ils ont vraiment dominé leurs adversaires là, au chapitre des points là, aussi. Là. Je pense que c'est 31-7 la marge de différentiel. Mmh. Puis dans une série 4-7 de la Série mondiale, Dan, quand c'est 1-1, 70% du temps, l'équipe qui gagne le match numéro 3 gagne la série. Puis à soir, au Monticule, on a probablement l'affrontement de lanceurs, je dirais, le plus égal depuis le début des séries. Quand je regarde McCullers Jr., la façon qu'il a lancé contre les Yankees, spécialement au cours des 7-8-9 dernières manches. Il a été vraiment dominant. Et de l'autre côté, Yu Darvish, un gars que les Astros connaissent parce qu'il a lancé longtemps contre eux avec les Rangers du Texas. Il a changé un peu son approche, son répertoire depuis qu'il est arrivé avec les Dodgers. Ça va être super intéressant. Il a été excellent cette année, Darvish, dans les séries. Honnêtement, je pense qu'à soir, on risque... Les trois matchs en fin de semaine vont être bons. Ils vont avoir... la revanche de Kukul contre Kershaw dimanche et tout ça. Mais le match de ce soir, je pense, avec l'arrivée en plus à Houston, le fait que les Astros aient gagné le match numéro 2, je pense que ça risque d'être un des très bons matchs de cette série mondiale-là ce soir. Ouais, ça, donc 19h20. Comment tu trouves les matchs? 4 heures. C'est long. Je sais pas comment on va faire, mais des matchs, c'est rien pour aider code d'écoute non plus. Là. Non, ben en fait, puis quand on regarde le match numéro 1 et le match numéro 2, ça a été des matchs diamétralement opposés. Le match numéro 1, je pense que c'était 2h30 quelques minutes. C'était le match le plus court de la Série mondiale depuis presque 30 ans. Oui. Donc, ça nous donne une idée, là, vraiment. Puis, c'est pas qu'il y avait pas de... Ils voulaient pas mettre de publicité et tout ça. Là, on a vu qu'il y a eu parfois certaines pauses publicitaires un peu plus longues parce qu'on essayait de, justement de passer toute la publicité qu'on veut qu'on va bien vouloir diffuser. Puis ça, faut pas non plus en vouloir. Oui, les matchs sont longs. Mais ça reste que, dans le fond, ce qui drive un peu le show de télévision, ça reste l'argent puis les commanditaires. Ouais. Donc, eux, ils veulent avoir leur temps d'antenne. Mais je te rejoins là-dessus parce que quand on a vu le match numéro 2 mercredi, puis on en parlait avant d'entrer en ondes, tu sais, quand tu travailles le lendemain matin, finir un match de baseball à minuit, 1h, moi, souvent, je vais sur semaine, je vais les enregistrer puis les finaliser le matin en déjeunant et les reprendre en accéléré, revoir les séquences clés. Mais pour l'amateur de baseball moyen ou même l'amateur de sport moyen, généralement, après 5 ou 6 manches, il va fermer ça là-dessus et prendre le reste aux nouvelles du sport le lendemain. C'est pas idéal comme situation, puis je suis d'accord avec toi. Puis un des problèmes aussi qu'on a, Dan, c'est l'heure de début des matchs. Si on veut commencer les matchs au lieu de débuter à 19h, heure de l'Est, ben on les fait débuter à 20h, même là, à partir de ce soir, ce sera 20h20, le début des matchs. C'est un peu comme la NFL, le même problème, hein, le match du lundi soir, le match du jeudi soir, ça se termine toujours à 11h30, minuit, mais en même temps, les Américains, eux, de la façon de voir les choses, c'est ils veulent avoir le plus d'auditoires possible. Donc, les gens dans l'Est vont se coucher tard, les gens dans l'Ouest vont le pogner un peu plus tôt, vont finir de travailler, puis le match va commencer tout de suite. Mais au moins, tout le monde aura l'occasion de le regarder. C'est un peu comme ça. Puis encore une fois, les codes d'écoute, en faisant ça de cette façon-là, tu as le plus de codes d'écoute possible. OK. Joe Girardi s'en va des Yankees. C'était pas vraiment une surprise. On disait que ça fait 10 ans qu'il est à la tête des Yankees de New York. Donc, peut-être que le changement de décor lui va être bénéfique. Dans le post ce matin, dans le New York Post, Mike Teixeira qui dit qu'il était peut-être pas prêt de ses joueurs, effectivement. Mais quand ça fait 10 ans que tu es gérant, peut-être que tu as fait ton temps aussi. Oui, puis moi, dans le fond, j'ai un petit peu de misère avec cette décision-là. En fait, on s'est rendu compte dans les commentaires de Girardi aussi, puis de Brian Cashman, que ça venait de Cashman, le fait de faire un changement de gérant. C'est un peu particulier parce que c'est pas comme dans le cas, par exemple, de Dave Dombrowski qui arrive avec les Red Sox de Boston. Lui, souvent, on va dire un nouveau GM va emmener ses hommes. Donc, il va faire un peu de ménage, il va peut-être enlever des instructeurs sur le banc ou même changer de gérant, comme on a vu avec John Farrell. Dans le cas de Cashman, c'est lui qui a emmené Girardi là. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble à la tête de l'organisation. Puis l'autre chose aussi, c'est on a bien beau à. Puis c'est peut-être pas le meilleur gérant, puis je ne suis pas en train de dire que je trouve que Girardi est le meilleur gérant du baseball majeur, mais j'écoutais cette semaine une conversation sur le réseau ESPN avec l'excellent analyste Keith Law. Puis une des choses qu'il a mentionné sur le congédiement de Girardi, parce qu'on ne s'en cachera pas, là, c'est un congédiement, même si il a dit qu'il quittait son poste, c'est un congédiement. Et ce que Keith Law mentionnait, c'est que ça va être difficile de trouver mieux. Tu sais, oui, au bout de 10 ans, tu as fait peut-être le tour du jardin, le message passe peut-être un peu moins, mais Joe Girardi en disant, écoute, c'est un Yankee, il connaît le marché, il a joué là, il a gagné des séries mondiales comme joueur, il a gagné une série mondiale comme gérant, 6 participations aux séries, dont 4 comme champion de division, il est allé à 2 séries de championnat, tu sais, je dis pas que à un moment donné, c'est bon de faire un changement, puis je pense que les Yankees voulaient s'en aller vers peut-être un gérant qui est plus proche des statistiques, puis de la nouvelle méthode d'analyse du baseball, mais ça reste que, puis je trouvais que le point de Keith Law était excellent, c'est est-ce que le changement sera suffisamment bénéfique? Écoute, c'est une équipe qui a passé une victoire de la Série mondiale cette année. Qu'est-ce que tu vas gagner de plus? Est-ce que tu vas vraiment aller trouver une façon d'aller gagner ce match de plus-là en changeant de gérant? Moi, je pense pas. Je pense qu'on voulait peut-être plus changer la mentalité puis peut-être amener quelqu'un qui allait être meilleur avec les jeunes. Mais encore là, Girardi, cette année, avec ce groupe de jeunes-là, on regarde ce qui les a emmenés. Donc, c'est peut-être plus l'usure. Tu sais, l'usure, justement, comme tu as mentionné, après 10 ans, on était dû pour un vent de changement, mais c'est pas comme dans le cas de Farrell. Je pense qu'à Boston, Farrell, on lui reprochait des choses. À New York, Girardi, on lui reprochait des choses, mais en même temps, je pense que c'était aussi le temps de faire un changement. Mais écoute, tu as mentionné New York. Tu sais, succéder à une légende, Joe Torre aussi. Là. Pas facile de succéder à une légende comme Joe Torre. Puis il a fait la job, Girardi. Oui, puis tu sais, comme tu as dit, quand il est arrivé, il faut se souvenir aussi, quand Torre est parti, il y avait encore des vestiges de joueurs qui étaient là de l'époque glorieuse de la fin des années 90. Et Girardi avait joué avec ces gars-là. Fait qu'on se disait comment il va faire pour mettre ces joueurs-là en commun. Puis un autre élément de Girardi que moi je retiens, c'est comment il a défendu A-Rod. Je me souviens d'un match à Boston quand Girardi était gérant et que A-Rod est revenu. Ryan Dempster l'avait atteint après l'avoir visé sur plusieurs lancers. Il n'y avait pas eu d'avertissement. Après qu'A-Rod avait été atteint, il y avait eu un avertissement aux deux bancs. Et là, Girardi était sorti blanc comme un drap de l'abri, avait défendu son joueur et sans dire nécessairement que c'était une démonstration forte, c'est un peu le genre de gérant qu'il était. Et aussi, il ne faut pas oublier que même s'il a connu des insuccès par moment dans sa carrière, Alex Rodriguez a connu ses meilleurs moments en série sous les ordres de Joe Girardi. Mm-hmm. On se rappelle en 2009, il avait été excellent et il avait fait un peu... Puis, je comparais pas les deux parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes types de personnages, là. Mais il avait fait un peu ce que Clayton Kershaw est en train de faire cette année, c'est-à-dire Kershaw a connu des insuccès par les années précédentes en série. Et là, cette année, il connaît du succès pour emmener son équipe jusqu'au bout. Mais A-Rod avait fait la même chose en 2009, donc avec Joe Torre. Donc, comme tu mentionnais, pas Joe Torre, mais Girardi, fait comme tu mentionnais, quand Torre a quitté, Girardi s'amène. Ben, ce gars-là, il a déjà joué avec les joueurs. Fait qu'on se demande comment il va gérer ça. Il y a le dossier A-Rod qu'il faut qu'il gère. Le nouveau stade qui ouvre. Mm. Et résultat de tout ça, ben, en 2009, dans le nouveau stade, gagne la Série mondiale. Et ça va rester son point, son apogée en tant que gérant des Yankees. Mais ça nous démontre aussi à quel point il a quand même été bon pour cette organisation-là. Qui succède? On a mentionné des noms. Ce matin, dans le post, on mentionne que Robbie Thompson pourrait être un candidat. Tu n'as mentionné un autre très logique, que l'expert, parce que c'est pas n'importe qui peut être là à New York également. Tony Peña, qui a déjà dirigé les Royals de Kansas City, pourrait être un candidat très intéressant également. Ça va être intéressant de savoir. Et où est-ce que Girardi va se ramasser? La logique voudrait les Marlins de Floride avec Derek Jeter. Ça aussi, c'est intéressant. Et surveillez également les Nationals de Washington. Les Nationals, ils ont une très, très bonne équipe. Et déjà, à Washington, il y a déjà une campagne qui se fait de la part des médias pour aller chercher Joe Girardi. Donc, lui, là, il va avoir plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Non, c'est ça. Puis dans le fond, ça se peut aussi que Girardi... ce qu'on entend beaucoup comme rumeur au niveau de sa suite pour lui individuellement, c'est qu'il aimerait ça travailler peut-être aussi au bureau du baseball majeur. Ah, OK. Donc, il y a une possibilité aussi de ce côté-là. Ça fait longtemps qu'il en parle. Ça serait comme un peu comme Joe Torre a fait. Et dans le fond, gérer les. Il a joué pour Yankees, gérer les Yankees. Puis après ça, la prochaine étape, ça serait de s'en aller peut-être au bureau du commissaire ou dans les hautes instances du baseball majeur. Puis c'est un bonhomme de baseball. Donc, je pense que ça pourrait être une belle addition de ce côté-là. Puis pour revenir à ce que tu mentionnais au niveau des successeurs éventuels, il y a des noms qui circulent, entre autres Jay Bell, qui est dans la liste de noms que j'ai vu ce matin. Des Pirates de Pittsburgh. Oui, et un nom qui m'a aussi intrigué, c'est Al Pedrickey. Al Pedrickey, qui est un ancien joueur d'avant-champ. Oui, joueur d'avant-champ. Et Pedrickey, il a été et est toujours donc dans la filiale 3A du côté des Yankees. Et il a géré des gars comme Gary Sanchez, Aaron Judge, Clint Frazier, des gars qui ont joué là, Greg Bird. Donc, est-ce qu'on lui donnera peut-être une promotion, puis on va l'amener avec dans une situation auquel il pourrait connaître les joueurs? Ça pourrait être une possibilité. Effectivement, ça, j'ai bien hâte de voir. C'est un nom qui sort du champ gauche, mais c'est un nom intéressant. Derek O'Quinn a sorti un il y a deux semaines avec nous. Moi, j'avais sursauté quand il m'est arrivé avec ça. J'ai sursauté parce que je voyais pas ça logique. Mais c'est un peu comme si Michel Bergeron aurait dirigé le Canadien à l'époque. T'sais, l'ennemi juré, mais lui, là, c'est réglé. Joey Cora s'en ira à Boston, selon les rumeurs. On attend juste la Série mondiale pour le confirmer. Ouais, c'est ça. Puis dans le cas de Cora, je pense que c'est une signature qui fait du sens. C'était des Red Sox, c'était un des gars qui était quand même pressenti aussi. Puis dans le cas de Girardi, pour le commentaire où Derek nous était revenu avec la possibilité de le voir peut-être aboutir avec les Red Sox, il y avait quand même quelque chose de logique parce que de plus en plus, même si on se rappelle comme justement l'exemple que tu as donné avec Michel Bergeron puis le Canadien, mais on est rendu plus en 2017. Puis quand tu regardes depuis quelques années, surtout au niveau des joueurs, il y a de moins en moins d'allégeance. Je me souviens des gars qui ont bougé de la rivalité Yankees-Red Sox. Vous voyez pas ça auparavant, mais il y a des gars qui ont changé, comme Johnny Damon, par exemple, qui a gagné avec les Red Sox, qui est allé gagner avec les Yankees, Jacoby Ellsbury. Donc, évidemment, il y a quand même la loyauté qui existe encore, mais ça aurait pu être une occasion où peut-être que Joe Girardi se serait dit « Moi, je vais aller là ». C'est sûr que d'un autre côté, c'est Girardi a joué comme joueur dans la rivalité contre les Red Sox, ben oui. Il a géré comme gérant dans la rivalité contre les Red Sox. Peut-être qu'il n'était pas là, puis peut-être non plus que quand on voit la nomination d'Alex Cora, je pense qu'on voulait aussi rajeunir un petit peu la présence sur le banc du côté des Red Sox. Et c'est ce qui fait aussi le nom, comme tu mentionnais tantôt, des Marlins de la Floride. C'est sûr que Girardi est dans le coin en Floride, puis en plus, il y a Derek Jeter qui est rendu là. Il y a toutes des connexions qui sont logiques. Ce serait juste à voir, dans le fond, qu'est-ce qu'on va vouloir faire du côté des Marlins au niveau des gérants, tu sais, des gérants plus de la vieille école, entre guillemets. On a eu un là, avec Don Mattingly au cours des deux dernières saisons. Donc, est-ce qu'on veut continuer dans ce moule-là avec Joe Girardi ou prendre une autre direction? Je pense que c'est ce qui va faire la différence. Et honnêtement, là, tu as mentionné les Nationals de Washington. Oui, c'est une bonne occasion. Mais quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, Dan, je pense que Joe Girardi, soit il va gérer les Marlins ou il va s'en aller ailleurs, tout simplement, puis lâcher sa carrière de jeune. Il y a des très grosses chances. Bruno, un gros merci. On s'en parle bientôt. Salut, Dan. Bonne fête, Bruno Boudon.